J'ai l'impression que on va tellement tomber là-dedans avec ce que le PQ a annoncé hier. À tomber dans les clichés. Il faut pas, là. Les pauvres, il y a plein de monde, c'est des poquets de la vie là-dedans. Ils ont pas eu de chance, puis il faut les aider. On est tous d'accord. Tu sais, faut pas penser, ah, c'est tout des, c'est tout. Mais là, avec ce que le PQ a annoncé hier, je sais pas à quel point ils se rendent compte que pour les gens qui se lèvent le matin puis qui travaillent fort, à quel point ça va nous amener à être frustrés. Mais là, tu dis ça, mais il y a plein de gens qui savent pas c'est quoi que le PQ a annoncé, là. Là, on est dans la marde, on est dans le rouge, ils vont augmenter les tarifs d'hydro, les taxes scolaires, tout le kit, il manque de cash. Ben, Pauline a trouvé plus de 300 millions de dollars pour augmenter les BS. Comment? 6h53, le cadran vient de sonner, ça fait quelques minutes, ça vous tente pas, c'est jeudi, il fait frette, il mouille, c'est pas évident. Là, t'apprends ça, là. Jour de paie, tu reçois ton talon puis tu vois qu'il y a la moitié de partie. Ouais. Et là, Pauline a trouvé 300 millions. Ah, mais ça les dire, bah, c'est pas beaucoup, ils ont pas beaucoup, les pauvres, faut leur en donner plus. Je suis d'accord avec vous autres. Moi, je veux que les gens pauvres, il y en ait plus. Et pour ça, je veux qu'ils travaillent, qu'on leur trouve des belles jobs, ou s'ils en ont actuellement des jobs plus payants. Par exemple, si on exploite le gaz de schiste, le pétrole, si on arrête les folies éoliennes pis on coupe les tarifs, on baisse les impôts en coupant dans le gouvernement, on va tous nous rendre plus riches, tu me suis? Très bien. Je veux l'enrichissement de tout le monde, avec le travail, la prospérité. Mais avec Marois, c'est ça tombe du ciel, le chèque est normal, 300 millions pour mes amis les pauvres. Penses-tu que tes aides à matin, là? Penses-tu que ça les fouette, que ça lui botte le cul de dire « Yes, je me lève! » Mais non! Le chèque est normal avec Pauline. On n'a pas de cash, elle va nous dire, hey, faut que je coupe les aînés, pas trop de bain, puis il manque d'infirmières la nuit dans les CHSLD, on apprenait ça cette semaine, il n'y a pas d'infirmières la nuit dans les CHSLD, elle va dire, j'ai pas de cash. Ah, oh, les pauvres, 300 millions. Tiens, chèque est normal. Oh, j'arrête, ça me décourage. Et je le dis sincèrement, ça c'est encourager les préjugés. Les gens disent, ah, oh, Butch, et toi, des fois, t'encourages les préjugés envers les pauvres, fais là. On n'arrête pas de faire des collectes d'argent, on veut les aider, on fait plein d'activités. Manger de la... Voyons, c'est pas vrai, pantoute, c'est Pauline! C'est la méthode péquiste et socialiste qui encourage les préjugés à l'endroit des pauvres à force de gonfler leurs chèques plutôt que de les inciter à se lever le matin. Ben ouais, fais-moi l'entendre, voir si c'est bon. Tu l'as-tu, Jean? Les pauvres ont pas d'argent. Les pauvres sont malades tout le temps. Les pauvres savent pas s'organiser. Sont toujours cassés. Ouais, c'est mollo pas mal, là. De show. Les pauvres sont bien trop nono. En plus, les pauvres n'ont pas d'argent à mettre là-dedans. Sur le bien-être, les pauvres regardent par la fenêtre, les pauvres y ont pas d'eau chaude, check les pompiers qui rôdent, les pauvres savent pas quoi faire pour sortir de la misère, ils voudraient bien qu'un jour. Un jour, enfin, ça soit leur tour. Mais là, c'est un peu leur tour à cause chose de Pauline Marois, qui, elle, aide les pauvres. Pas à se trouver une job, à avoir un plus gros chèque. Bravo! Les pauvres sont contents. 6h58, ça va pas.